Tu sais qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Pierre et Rémi? Pierre est remonté contre Rémi, mais Étienne va jouer les intermédiaires et essayer de résoudre les problèmes. Il faudra qu'il déploie toute sa diplomatie, car les discussions risquent d'être houleuses. Je me demande s'il parviendra à faire plier Rémi, qui est assez coriace. Quand il se braque contre quelqu'un, il n'y a pas moyen de le faire changer d'avis. Bon, Étienne n'est pas né de la dernière pluie. Il sait ne pas brusquer les choses et il a toute la finesse et le doigté pour mener à bien cette mission hautement diplomatique. Espérons qu'il parvienne à recoller les morceaux. C'est toujours à lui qu'on fait appel pour arbitrer les conflits. Je ne sais plus combien de conciliations ont été menées par son entremise. On verra bien si Pierre et Rémi céderont.